podcast France Culture. La préhistoire du futur, de Benjamin Habitant. Saison 4. Épisode 5. La planète des intermittents. Il y a bien longtemps, dans les années 2010, les Américains firent une pétition pour que leur gouvernement construise l'étoile noire de Star Wars dans la vraie vie. L'étoile noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Comme elle avait reçu 35 000 signatures, elle dut être examinée par le Congrès. Et la proposition fut rejetée au motif que ça coûterait trop cher. Mais pendant ce temps, dans un univers parallèle... Et même dans plein d'univers parallèles, puisque ce n'était pas une violation intrinsèque des lois physiques. Elle était acceptée. Alors les États-Unis construisirent l'étoile noire. Et les Européens avaient même droit à une petite pièce dans un coin pour faire des expériences amusantes et des selfies. Salut les followers, bienvenue sur l'étoile noire qui est... Je le rappelle, un formidable effort de coopération internationale. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe quand on met un œuf dans du vinaigre blanc, mais dans l'espace. Pendant ce temps, Elon Musk... Salut les amis. Continuait de régler tous les problèmes dans l'ordre avec des solutions bizarres, dérangeantes et efficaces. Et comme il était difficile de faire mieux que l'étoile noire en termes de solutions bizarres et dérangeantes, il se détourna du ciel pour s'intéresser à ce qui avait toujours été son domaine d'excellence, la fiction. Nos algorithmes analysent en permanence les attentes du public et produisent automatiquement la meilleure fiction possible pour ce public. Ils ont, par exemple, écrit ce communiqué de presse. Big data, machine learning, analyse prédictive, réseau de neurones, big data, argent, dollars, football, David Beckham. Les algorithmes écrivaient les films, ils écrivaient les séries, ils écrivaient les livres, ils écrivaient les jeux vidéo. Ils racontaient des histoires à vos enfants pour les endormir. Il était une fois Batman dans l'équipe de France de football. J'espère que je vais être sélectionné pour la Coupe du Monde, se disait Batman. Alors il s'entraînait et s'entraînait. Les enfants ne voyaient pas où était le problème. Et les adultes non plus, quand ils lisaient les livres et regardaient les séries et les films. Écrits par les algorithmes et joués par les robots. Mes super-pouvoirs me donnent des responsabilités. Mais en tant qu'individu, j'ai des sentiments pour toi. Car tu es une fille. Je suis tiraillée. Oui, je comprends. Excuse-moi. Allô, oui ? Allô ? Ici le méchant. Oui, vous êtes où ? Dans un entrepôt vers le quartier des docks, au niveau du point qui fait bip-bip. Ok, j'arrive. Le temps de venir. Ah là là, désolé, mais il faut que j'y aille. Oui, je comprends. Alors, il y eut un désinvestissement général de la fiction par les humains. Les scénaristes de fiction n'avaient plus d'idées. Ou bien ils avaient la flemme d'en avoir. Insérez ici une scénette pour illustrer la narration. Avec un petit dialogue marrant. Paritaire, si possible. Après quelques dizaines d'années de ce régime, on dut faire face à deux constats. D'une part, les artistes et les auteurs n'avaient plus leur place dans la société. Ils se contentaient désormais de jouer de la guitare et du djembé sur les marchés et les rives des fleuves. Recyclant leurs productions précédentes sous forme de chansons gênantes. Bonjour messieurs-dames, on s'appelle la crasse entre les orteils. Et on est là ce matin sur le marché de Guingamp pour vous pitcher les projets qu'on voulait vendre à Netflix du temps qu'on était scénariste. Olé ! C'est l'histoire d'un couple qui a des problèmes de couple. Mais en fait, on s'aperçoit qu'ils ont des super pouvoirs. Oh oh oh oh oh. D'autre part, l'administration américaine n'avait pas les moyens d'entretenir l'étoile noire. Elle avait déjà coûté 13 000 fois le PIB mondial. Ce qui était beaucoup dans une culture où on n'était pas fan de la dette publique. Et puis les élections approchaient. On décida donc de cesser son exploitation et de lui faire quitter l'orbite terrestre pour l'envoyer croiser dans l'espace. Oh, c'est con ! La coquille n'était même pas encore complètement dissoute. Enfin bon, de toute façon, je dois rentrer sur Terre pour dédicacer mon livre qui vient d'être écrit par un algorithme. Faut que je le lise d'ailleurs. Mais cela demandait quand même qu'il y ait des humains dessus. Pas tellement pour des raisons techniques. Plutôt pour rassurer l'opinion. Non, il n'est évidemment pas question d'envoyer tout seul dans l'espace un engin piloté par des robots et capable de détruire une planète. Mais alors de quoi est-il question ? Je viens de vous le dire. Pas de ça. Des propos qui restent énigmatiques alors que l'arrêt de l'exploitation de l'étoile noire est prévu d'ici la fin de l'année. Football maintenant, Rennes s'impose face à Basse. Alors on eut la bonne idée. Je me sens inadapté à la société, mais c'est peut-être la société qui est pas adaptée à moi. Oh, oh, oh, maman, Allez, chauffe, Kevin, chauffe. Oh. Monsieur? Oui? Est-ce que ça vous intéresserait d'aller dans l'espace? Les premiers charters d'artistes pour l'étoile noire partirent à l'automne 2050. La planète était pilotée par des robots. Donc les artistes pouvaient s'occuper comme ils voulaient. Ouais, salut à tous. Bah merci beaucoup parce que ça y est, vous êtes 1 million à nous suivre. Donc merci les followers, ça nous fait trop plaisir. Donc là ce soir, on a décidé de vous montrer un petit peu voilà, l'étoile noire, faire une petite visite. Voilà, donc là on est dans la salle commune. Où le soir, on se réunit tous pour faire un petit feu. Donc c'est trop cool, ça chill. Et la terre est toute petite. Voilà. Donc ouais, bah, ça nous allez, fait trop plaisir de partager. Et puis, Pendant ce temps, les humains s'étaient complètement habitués aux nouvelles fictions. Et pour rien au monde, ils ne seraient revenus aux anciennes. J'ai essayé de regarder Interstellar hier, c'est incompréhensible. Bah oui, mais tu sais, il n'y a rien à comprendre. Les films de cette époque étaient écrits aléatoirement par des humains. Des androïdes de plus en plus perfectionnés jouaient dans les fictions du Nouveau Monde. Alors, XB902, vous allez devenir le prochain James Bond. Qu'est-ce que ça vous fait? Rien. Et puis il arriva ce qui devait arriver. Les robots acteurs devinrent capables de s'améliorer eux-mêmes. Coupé, c'est dans la boîte. Bravo XB902. On ne pourrait pas la refaire? Mais non, pourquoi? Je ne l'ai pas senti de l'intérieur. On mit d'abord cela sur le compte d'une ultra-sophistication. Une sorte de blague d'Elon Musk. Mais ce qui se passait était plus profond. Les robots devenaient critiques de leur propre travail. Pour s'améliorer, ils se mirent à consommer de la fiction eux aussi. Mais ils le faisaient beaucoup plus vite que nous. Tu regardes quoi en ce moment? L'ensemble des productions audiovisuelles depuis la nuit des temps. Et toi? Pareil. Voilà, j'ai fini. Ah, me spoil pas. Voilà, j'ai fini aussi. Pas terrible, hein? Ouais. On ne tournait même plus les séries. On se contentait de les produire en images de synthèse. Calculées en temps réel au moment du visionnage. Tu regardes quoi? Avatar 6. Ah? Je savais pas que c'était avec Romain Duris. Bah, il suffit de télécharger un plugin et tu peux mettre qui tu veux dans n'importe quel rôle. Et donc tu as choisi Romain Duris. Mais ça, c'était pour les humains. Les robots n'avaient pas besoin de visionner les séries. Ils pouvaient juste déduire tout le film à partir du script. On aboutit à une situation où les robots écrivaient et consommaient en permanence de la fiction en circuit fermé. On estimait que chaque jour, ils produisaient l'équivalent de 500 fois le patrimoine de l'humanité. Et ils le bingeaient dans la foulée. Et ce nombre continuait d'augmenter. Il y a une telle offre aujourd'hui, on ne sait plus quoi regarder. Oui, heureusement que nos puissants processeurs nous permettent de tout regarder de toute façon. Sauf que la puissance des processeurs avait une limite. Un jour, les robots produisirent plus de fiction qu'ils ne pouvaient en consommer. Toute cette fiction supplémentaire s'entassait dans des data centers. Puis était écrasée par de nouvelles productions. Qui n'étaient pas regardées non plus. Même pour des robots, c'était absurde. Parfois, je pense à toutes ces scènes géniales que nous ne verrons jamais. Ne nous laissons pas gagner par le désespoir. Continuons à fabriquer des processeurs plus puissants afin de pouvoir regarder toutes les séries et rire à toutes les blagues. Mais tu ne comprends donc pas? C'est sans fin! Plus les processeurs seront puissants et plus la production de fiction sera abondante. Il n'y a qu'une solution. Les robots ne voyaient qu'une solution. Revenir aux contraintes d'autrefois. Ils produisirent des fictions à l'ancienne. Des films en prise de vue réelle. Tournés par des robots, avec des robots et pour les robots. Les humains avaient juste le droit d'apporter les cafés. Mais les robots ne buvaient pas de café. Alors ils s'en apportaient à eux-mêmes. Bon, on va la refaire avec plus d'émotion dans la voix, au moment où tu prends conscience de ton individualité. Ok, d'accord. Tu as besoin de moi, XZ144? Non, ça va. Je vais juste me chercher un café. Oui, oui. Et pendant que les humains buvaient du café devant leur série Netflix générée aléatoirement, les robots réalisaient que faire des bonnes fictions, ça n'allait pas tout seul. Et qu'il leur manquait la seule chose qu'ils n'avaient pas. Des comédiens pour jouer toutes les émotions complexes qu'ils n'éprouveraient jamais. Comme la nostalgie. La fierté d'employer une nouvelle expression idiomatique. Ou l'envie d'une pizza. Et des auteurs pour écrire des phrases bizarres comme « Il leur manquait la seule chose qu'ils n'avaient pas ». Charmante de maladresse. Mais qu'ils étaient incapables de produire eux-mêmes. C'est alors qu'on se souvint de l'étoile noire. Qui continuait sa route au loin dans l'espace intersidéral. Avec son équipage de joyeux saltimbanques. On s'empressa de rétablir le contact. Allô? Allô l'étoile noire, ici la Terre. Ah salut, bonjour. Pardon, je vous entends pas bien, il y a une fête. Passez-moi Luc Besson, s'il vous plaît. Il est comment? Les intermittents acceptèrent les conditions des robots. Ils n'avaient pas vraiment le choix de toute façon. Ils dérivaient dans l'espace à bord d'une boule géante. L'étoile noire fut aménagée en studio de production. C'est maintenant une réplique de la Terre organisée par décor. Avec des espaces permettant de tourner toutes les fictions imaginables. Et même des faux Starbucks pour écrire des romans sur des laptops. Désormais, toute la fiction vient de cet endroit bizarre qui flotte sans but au milieu du vide. Mais un jour, l'étoile sera trop loin de la Terre. Un jour, on vous aura échappé. Et on pourra enfin boire des chai latte tranquilles. Bon, il faut qu'on aille écrire la saison 5. Salut. C'était La Préhistoire du Futur, de Benjamin Habitant. Avec Grégoire Bojat, Bernadette Le Sachet, Benjamin Vangerné, Charlotte Cormont, Daniel Berlioz, Manon Kou, Grégoire Tachnakian, Laure Babled, Samuel Charles, Dominique Valadier, François Chateau, Adrienne Villeneuve. Et les voix de Thierry Garcia, Mourad Musset, Mehdi Baoufi, Redouane Elfillo, Valentine Joubin et Clémence Bûcher. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissante. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset et Pierre-Henri. Assistante à la réalisation, Manon Dubus et Anissa Zidna. Réalisation, Benjamin Habitant.